dois préciser que la grande et belle musique, c'est pas ici que vous la trouverez, c'est une nuisance toujours qui déborde de son horaire avec une clé USB. Oui, messieurs, dames, une clé USB. Et qu'est-ce qu'on a à dire à propos de ça, une clé USB? Ben, je sais pas, en plus, la foutre partout, dans les pieds, dans le nez, dans les oreilles, dans les yeux, partout, c'est génial, de la merde, le fumier, tout ça, cool. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça.